Ah, elle est très bon, jus de pomme. Oui, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, la chanteuse, c'est quoi la chanteuse? C'est quoi votre nom, la chanteuse, vous dire? Anne-Laure. Anne-Laure, et votre nom d'artiste, c'est ça? Oui. Et vous avez composé ça ce matin, carrément? Non, ça, c'est Starmania, ça. C'est Starmania. Ah ouais. Oui. Ça, c'est quand même de... Ça, c'est pas moi. Ça, c'est Michel Berger bien avant moi. Oui, mais bon, c'est une version, quoi. C'est ma version, oui. Ouais. Et ah, vous... C'est votre version. Et vous faites souvent de la musique comme ça, ou... Tous les matins. Tous les matins? Oui. Ah oui. Puis, musique tous les matins. C'est ça qu'il faut faire. Vincent, tu penses quoi? Prends le micro. Attends, quel numéro? Vas-y. 3. Je suis en train d'apprendre mes textes par cœur. Oui, les textes de quoi? J'ai 12 chansons sur YouTube et en fait, je suis en train de les apprendre par cœur. Ok, ok. Tu peux nous chanter un truc comme ça? Ouais. Chauffer, vas-y, vas-y. Capella? Ou tu veux un son derrière? Un son derrière. On va voir, parce que là, attends, qu'est-ce que j'ai derrière? Bonjour, comment tu vas? Amuse-toi bien, ma grande. Quand le cash rentre au pays tout baigne, caldier sale dans la street sale règne. Mais un jour tout profond, comme par enchantement, fallait pas t'étonner quand la bac a frappé à ta porte. À cause d'une pouga, vous passe, t'as pas laissé ton bigot éteint. Ce genre de détails ont leur importance, beaucoup plus que tu pensais. Quand t'es enfermé dehors, la vie se son cours, comme un court métrage. Mais personne n'est inaccessible, l'autre a pris ta place sur le terrain. Comme dans un film, je me pose des questions, t'inquiète quand je proche, je me trouve pas cible. Assis sur le banc de touche, je contemple ma jeunesse passe dans ses hôpitaux et fou, à faire le fou. Je suis passé à côté de tout, tristesse un peu de coup par peur. Maintenant, je traverse la street comme un tigre de Ceylan. Big up à tous mes cousins là-haut. Aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. Donc, faut que je fasse ma seconde jeunesse comme un adolescent qui découvre des choses. Symbiose en osmose et harmonie. La mère qui m'a éduqué, elle m'a vu comme ça. Mauvais entourage m'a fait croire des choses qui étaient fausses. Sans qu'une fausselle n'emporte trop pas au ciel. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Les gars détestent le gouvernement et ces méfaits cessent d'orchestrer notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idées reçues blessent les héros de ma ville. L'eau, la terre, les mers, les villes entières, ils détruisent tout sur leur passage. Jusqu'en Amazonie, les peuples la souffrent, c'est l'agonie. Les enfants meurent en bas âge. Ça gêne certains pendant que d'autres s'en battent les reins. Ça change rien à leur train-train quotidien. Leur indifférence agace, mais que veux-tu y faire? Sinon, réussir à quitter le terre-terre pour Rivoli. Arrivé là, je kifferai ma vie. Ce sera l'extase, la potée aux enfants, je crois. En tout cas, ce sera autre chose, mais faut quitter le 9-3. Car ici, c'est pas Watts, mais ça craint. Les petits embrouillés avec grand, les grands deals, ils partent en tôle. Ça rapporte pas, ils ont pas de société écran. Aux îles Caïmans, ceux-là partent longtemps. Et l'élite paie la juste pour que la justice soit clémente. À son égard, vu de l'extérieur, ça rend perplexe, ça choque, ça égare. Et personne comme ça, deux ans tôle comme ça, a perd son temps à marcher dans un couloir à Yep. Pendant que les riches roulent en 4x4, en 2x6. On se dit parfois qu'on pourrait les rejoindre et construire ensemble un monde meilleur. Comme les politiciens pourraient être élus, d'ailleurs plus personne n'y croit plus d'élustre. Les événements l'illustrent, on parle peu de l'essentiel et beaucoup passe à côté de la vie. Sans autre alternative, c'est fait exprès, ils tombent dans l'engrenage du filet. Comme ces gosses qui marchent sur une bombe, les radars sont, les armes se débrouillent, ça tombe dans une embuscade. Les choses sont trop complexes pour qu'on puisse qu'on s'alarme. J'ai le drapeau blanc, mais le combat continue sans répit. Et les flics tirent, c'est du destin humain. On nous malmène et beaucoup ratent. C'est le désespoir qui entraîne l'échec de ces hommes. Mais l'Afrique a décidé de garder espoir et c'est fort. Mais rien qu'un pour l'instant. Alors je me lève la nuit et je prie. Et je me demande pourquoi dans rêve on mange ce putain de fruit. Hey. Bravo, bravo. Vas-y, parle de micro. En fait, avant, je ne connaissais pas par cœur, mais là, j'ai travaillé le texte. Là. En fait, j'ai écrit par cœur, mais il faut que je bosse encore un peu. Comment j'ai appris par cœur, quoi. J'ai écrit, j'ai appris par cœur. Comment il s'appelle ton texte? Les gars des tests. Les gars du texte. Les gars des tests, ouais. Super. Moi, ouais, j'adore ton texte. Merci. Magnifique ton texte. Quel créateur ici. Hein. Fofana, tu veux nous faire un solo de xylophone? Vas-y. Eh oui, à chacun son tour. Hein. Hé, hey, ça va ? Dis donc. Il y a tous les anciens qui arrivent là. Bonjour. Tu vas bien ? Bienvenue à la radio pique-nique. Radio Métanoïa pique-nique. Aujourd'hui, on a à manger, à boire. C'est plus grand. Attends, on va mettre les micros. Fofana, bravo! Ouais. On est sur Métanoïa, il est 4h16 minutes. En 45 minutes, on est en direct. On est sur Pinode. Et voilà. De quoi on va parler aujourd'hui, monsieur? Moi, je vais parler de mon retour parmi vous en tant que libre. Vous voulez parler de l'homme parmi toi qui est un homme libre. C'est ça que tu veux être un homme libre. Non, en fait, j'étais interné et je suis sorti et là j'arrive en libre. Et donc, je viens ressentir les sensations que ça fait et je m'aperçois que ce n'est pas pareil. Et que tu as changé, c'est ça ? Exactement. Et que tu es devenu un homme de nouveau, c'est ça ? Ton internement. Je ne suis pas devenu un homme de nouveau, mais revenir à l'hôpital en tant que libre, c'est... c'est partager des sensations qui ne sont pas les mêmes que comme si on était interne. Avant, c'était, t'avais un cas. À un moment, tu t'es résolu de ton cas. Bah, même en étant interne, justement, on résolut notre cas. Mais en venant, comme je te dis, en externe, bon, ça change de tout. En interne comme en externe, t'as voulu te résoudre. Ben, j'ai voulu ressentir les sensations et faire profiter à tout le monde. Et, ça fait plaisir, hein. Ben, on est là tous pour ça. On a un nouveau stagiaire aussi. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Prenez un micro, vous avez un micro là. Alors, bonjour tout le monde. Bakalidou, stagiaire infirmier en troisième année. Je suis là depuis 3 semaines. Cette radio, j'en avais entendu parler. C'était pour moi une occasion de la découvrir aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Et de voir ce qui se dit, ce qui se raconte. Et puis voilà. Le plaisir est partagé. Plaisir partagé, comme on dit ici. Sans, tu... Ouais, c'est bien, c'est une bonne promotion parce qu'en fait, ça va dans le monde entier, tu m'as dit, Martin. Dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier, ils vont savoir. Hein. ce qu'on fait. Hein. Ils vont tout savoir, ils vont tous commenter sur Facebook. Hein. On t'a reconnu dans la rue hier. Oui, parce que je mets des vidéos. Oui, non, je partage un moment de gloire, excusez-moi. Donc c'est Anne-Laure Sibylle, Sibylette même sur les réseaux. Sibylette sur oui, les réseaux. Oui, et je mets... et donc, j'aime pousser les intentions des chansons à leur extrême. Donc souvent, je vais interpréter des chansons qu'on connaît, je sais pas, de... J'aime bien me parodier même des hommes parce qu'on voit bien la différence. Donc Maître Gims, par exemple. Et me déguiser et vraiment jouer l'intention, le message de la chanson en étant comme dans un personnage. Ah, tu joues l'intention comme dans ton personnage exactement, que tu veux être. Exactement. Et donc je mets des petites vidéos sur Facebook. Et hier, on m'a reconnu dans la rue. Je ne sais pas si c'est ça qui le fait rire. J'ai pas et t'es devenu une star. Et je suis en train de devenir une star, ouais. Doucement, mais tranquillement. Et j'aime bien faire la promotion de Bondy. Voilà. Voilà. Merci. Enchanté à vous. Les keufs dans le RER, la banlieue, c'est morose, la banlieue, c'était les inconnus, mais les oui, inconnus, c'est ça. Voilà. Mais je la connais pas beaucoup plus que ça, vous la connaissez ou pas? Bah, oui. Mais si, ensemble. Oh. Il y a les meufs, il y a les keufs dans le RER, la banlieue, c'est morose, la banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est dans le dans l'air, la banlieue, c'est la morose. La mer rouge, la mer rouge, le système solaire, ça va marcher. Oh, Anna, oh, Anna. De la culture de Georges Braille. Caverne. C'est la musique de Cap-Vert, c'est ça? De Cap-Vert. Mais toi, tu viens pas de Cap-Vert, si? Oui, je vais plutôt au Portugal. Ouais. Mais Cap-Vert, on parle portugais, hein, ça? On parle portugais au Cap-Vert. Tu nous invites au Portugal? Oui, tu pourras venir. Ok, d'accord, on y va. Bah, d'ailleurs, on a Béatrice, qui est une interne médecine, qui va faire une radio à Lisbonne et il va... Ah, Béatrice va faire une radio à Lisbonne. Tu te rappelles Béatrice qui venait ici au stage? Qui est venue aussi au stage. Ouais, il va faire une radio à Lisbonne, psychiatrique, et on va aller tous là-bas. Ouais. Pas mal. C'est toi les traducteurs? Ouais. Belaise. Belaise. Oui. Ah. Altanoia ici. C'est dans cette colonie portugaise, hein. C'est des colons portugais qui ont fait cette musique. Hein. Oui. Du Cap Vert. Hein. Oui, j'ai compris, ouais, c'est ça. Mais c'est, c'est les Portugais qui sont conquis le Cap Vert. C'est le Portugais qui ont conquis le Cap Vert, ils ont fait cette musique. Oui. C'est un mélange de musique des îles avec musique du pays, c'est quoi? C'est la musique des îles et du théisme. Ah oui, ok. D'accord, d'accord. C'est génial. Alors, vous voulez nous parler un peu de votre musique? C'est quoi la nouvelle? Oui. J'en suis pas tout à fait à parler de ma musique, ouais. Parce que ma musique, actuellement, j'y travaille. Alors, j'ai des textes, j'ai 20 ans de textes avec moi. Ah, vous avez donc, c'est pas ce qui me manque. Oui, mais par contre, je suis pas compositeur à la base. Donc, j'écris. J'ai fait longtemps le conservatoire. J'ai fait le conservatoire en fait classique. Ah, vous avez fait le conservatoire classique de piano? De chant. Chant. Ah, de chant. Oui. Ah, maison populaire, c'est ça? Non. C'était pas dans cette ville. Non. C'était où ça? C'était dans Paris. Ah, dans Paris. Quand j'étais jeune. Oui. Ah oui, magnifique. Donc vous chantez alors. C'est votre voix. Alors. En fait, il m'a fallu un certain temps pour trouver un peu ma voix, mais ma voix, à tous les étages, à tous les niveaux. Voix X. Voilà, exactement. Ouais. Et maintenant que je suis un peu plus en phase, en harmonie avec moi-même, voilà, ouais. Pour rester dans le langage musical, je travaille sur une maquette, mais là, je suis à la fois à la recherche de musiciens et à la fois des bonnes machines pour... pour accompagner mes textes. Vous pouvez venir ici. Là, on va recevoir ce mois-ci de machines pour des synthés. Ah oui, enfin, on attend depuis un moment, mais on va les recevoir. Donc, on pourrait vous aider à composer un projet. Même, ah, merci. Même à utiliser de voix à rythme ou de synthés. Voilà. Oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir un peu un home studio à la maison il y a quelques temps, mais je ne l'ai plus. Ah oui. Bah, on sait. Bonjour Mathieu. Bienvenue à la radio. Viens ici. Bon, on est à Metavia, Anne-Laure, c'est ça? Oui, et voilà. Et en attendant, pour à la fois ravir le cœur de mon tout jeune public et moi m'entraîner et apprendre et voilà, et aussi progresser, je parodie toute forme de musique en fait, que ça soit des rap, que ça soit du jazz, que ça soit voilà de l'électro, peu importe. Et vous pouvez nous chanter quelque chose comme ça ou un autre exemple musique que vous voulez nous montrer alors? Soit sur votre téléphone ou soit a cappella, parce qu'ici. Oui, comme ça je vais chanter. Vous chantez a cappella, c'est ça? Oui. Voilà, vous pouvez chanter. Un villager écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village qui l'a moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter, le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat qui est invité marche derrière le petit cercueil de paille où l'oiseau mort est enterré, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, lui fit le chat, je l'aurais mangé tout entier. Et puis je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler jusqu'au bout du monde, là-bas où c'est tellement loin que jamais on en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. C'est ta création, hein? Alors ça c'est Jacques Prévert. C'est Jacques Prévert. Oui, le poète, qui a été repris par Yves Montand. Ah, qui a été repris par Yves Montand. Oui, il y a. Oui. Régis. On apprend. Ça s'appelle le comique de répétition, merci. Bah c'est le style de... Oui, oui, c'est son style d'accueil. Bah, magnifique, votre voix. Et voilà. Et alors, c'est... Non, mais lui, c'est plus qu'un comique de répétition. C'est un très bon entraînement parce qu'il fallait que je tienne sans me laisser perturber. C'était pas facile, hein. Mais c'est un bon exercice. C'est, ce que je me... c'est la question que je me posais. Est-ce que ça vous perturbait ou pas? Un peu, ouais, quand même. Qu'est-ce qui vous a perturbé? Bah, déjà, je m'entendais pas. Micro. Parce qu'en fait, il est dans... Micro, attends. Ah oui, pardon. Il était au niveau de mon oreille retour. Mon oreille retour, c'est la droite. Dans ton oreille retour. Exactement. Et tu redonnais dans mon oreille retour, donc je m'entendais pas, moi, de l'intérieur, déjà. Dans votre oreille retour. Exactement. Ok, merci. Parce que quand vous serez en public, hein, quand ce sera Bercy, t'as intérêt à tenir. Exactement. Bah oui, parce que Ibrahim Malouf, hein, il tient la route hein, quand il est à Bercy. Hein. Et puis, il n'y a pas une place de libre. L'autre jour, je devais aller voir ma fille qui joue avec lui. Il a fallu que je me fasse passer pour un journaliste. Hein, tu vois. Bah oui. Et du coup, à un moment, on l'appelait Ibrahim Matouf, mais bon, c'était pas très gentil parce qu'en fait, il a été disculpé. Et il est très gentil. Bah, vous, en tout cas, vous ne serez pas obligé de jouer un rôle. Je vous enverrai une invitation. C'est vrai ? Oui, de même. Vous avez mon adresse, tout ça ? Je vous la donne avec mon téléphone. Je vous retrouverai le truc qui fait peur. Je vous retrouverai. Bravo. Vous avez un vrai talent. Elle était cachée. Bah, j'étais juste à la féliciter. Elle a dit qu'elle a un talent de fou. Hein. C'était beau. Bravo. Merci. Tu veux chanter, Bastien? Tu veux que je te mette un son ou ça va te... Mets un son. Qu'est-ce que tu veux écouter comme son? Quoi comme musique? Ce que vous voulez, hein. My Way. My Way, comment t'écris ça? My Way. My Way, de Frank Sinatra. Frank Sinatra. Ah oui, quand même. On y va, Frank Sinatra. On va voir si ça marche. Là. Franck, tu es là? Frank Sinatra, on t'appelle. T'appelles Bastien, il est là, mais il est lent, l'ordi, là. Toudoudoudou, il est allé chercher. Tu veux pas la version de Sid Vicious? Sid Vicious. Sex Pistols. Attends, Sex Pistols. Ah ouais, mais il n'y a pas beaucoup de batterie, ça marche pas. Attends. Tu as Nana Simone aussi, c'est elle qui l'a chanté. Mais j'arrive pas. Et My Way, tu as Elvis Presley aussi. Mais notre réseau, il est, comme d'habitude, pas très bon. Donc on va voir si on arrive à connecter. Allô, allô. Réseau. Il est où le réseau? Attends, est-ce qu'on est connecté? Oui, on est connecté. Mais il est trop lent. Pourquoi ça fait une photo? Je sais quoi. Non, j'arrive pas à le trouver, Bastien, désolé. Attends. Est-ce que... Ah. Tac, My Way. Non, il ne capte pas. Ben, je peux te mettre un rythme, si tu veux, à nous, parce que je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le... Est-ce que c'est sur, on va sur le côté. Attends, My Way, Sinatra. Pas sûr, hein. On a une très mauvaise connexion, comme d'habitude, sur ce truc. Mais on va arriver. Vincent, tu veux faire un truc à Capella? Vas-y, pour l'instant qu'on trouve le My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain I've lived a life that's full. Traveled each and every highway and more. I did it my way. Regret, I've had a few. Ça va être fatigué. Non, je vais rentrer à la maison. Je dois au revoir. Tu pars, tu nous laisses tout de suite. Non, arrête, pourquoi tu nous laisses comme ça? Au revoir. Oh, au revoir, merci Bastien, la semaine prochaine. Voilà. Bienvenue, vous voulez parler prenez le micro, la place là qui est libre. Bah, c'est à, si vous voulez. À 17h, ça commence la direct, mais on peut aller tout de suite hein, si on est là. Oui, bah allez-y, prenez les minutes là, c'est bon. Oui, on est là. Prenez les micros là, ce sont des infirmières invitées pour une campagne de sur les tabacs, c'est ça? Voilà, elle va nous parler 2, 3 minutes, 4 minutes. Allez-y. Vous pouvez y aller, on est en complet presque. Donc prenez, il y a un micro, ça vous vous mettez assis, vous prenez le micro. Allez. Ok, on vous attend, quoi. Vas-y, Vincent, c'est à toi. Mets une musique. Je ne sais pas si je vais me rappeler de la chanson. Hein. J'apprends le parcours, je n'en ai pas d'autres. Attends. Ouais. l'Occident serait en train de céder. Non, Lou, je la connais pas très bien en fait. Je les apprends par cœur. L'Occident serait en train de céder. Avoir le tiers-monde dans cet état, la monnaie dévalorisée comme un homme qui perd son bras. À coups de coutelas à l'arrière par un soldat à bout de bras, je tiens le mur de cette cité. Sans flouze, comment on comprend ça quand t'as toujours tout eu? Les incompréhensions culturelles nous ont eu, y'en a qui ont tout et y'en a qui ont rien. Et y'en a qui perdent tout pour rien, la chute est plus grande encore. Les riches roulent en 4x4, putain, cacher le vie à corps, comme pisser sur caniveau. Je préfère rester sans cash et pouvoir vivre sainement, sans avoir à vestir les glaces. Et d'acier fond, comme le cœur des femmes pour moi, et short cette protection judiciaire. Putain, ce putain de mal, si c'était nécessaire. Ça m'apprendra à écouter les traîtres et à vouloir couiller une banque. Avoir des chiffres sur un bout de pied, pas amendi comme un enfant, expliquer à quoi on va nous attendre. Et qu'il s'étonne qu'on lui parle bien. Je fais attention dorénavant. J'économise pour mes projets, je critique personne, j'essaie le putain de choix de vivre. Ils disent sur mon regard, je serai séducteur et je déchire les traits super préoccupateurs. Mon passé de pauvre, je fais mon yébi propre, sop sans guimauve, chante pas goula flow. Je fais péter les tom-toms à mes roues sans oublier les traites, bien sûr. Gardez bien la pêche, bien sûr, et le sourire. L'argent change trop vite demain et je sais de quoi ça ferait mon lendemain. Ah ouais. Faut que j'apprenne par cœur le reste en fait des chansons. Alors, on va... Oh là là là là. Oui, on est sur Metanoia, sur Pinot. On va laisser la place à trois infirmières. Vous présentez vous-même, qui vont nous parler quelques minutes sur le tabac. Voilà, allez-y, prenez le micro. Oui, tu viens, tu t'installes à côté de moi, tu vas répondre. Ça, bonjour, Mathieu, bienvenue. Ça va? Tu as mangé, là, à la boire, à la salle. Tiens. Alors, il y a 3 mois, je fume 1 paquet et 2,5 par jour. Je me levais la nuit pour fumer. Et maintenant, j'en ai fumé que 2 aujourd'hui. Ouais, je suis en train d'arrêter de fumer la clope, là. Je suis en train, là. J'en ai fumé 2 aujourd'hui, seulement. Très bien. Et nous, on est ici pour... On est des étudiantes infirmières de la 2e année de l'IFSI de Villevrard, en Neuilly-sur-Marne. Et on est ici pour les services sanitaires. Pour faire une campagne de prévention, en fait. Et notre sujet, c'était le tabac. Du coup, on est là depuis le 8 mai. Et on a travaillé sur un atelier qu'on a fait aujourd'hui avec des patients au G14. Et on a fait une affiche avec les patients en collaboration. En fait, on a posé des questions, on a parlé autour du tabac, des effets bénéfiques, des effets de l'arrêt du tabac, des substances nocives qui sont contenues dans la cigarette, les effets nocifs du tabac pour la santé et pour l'économie, parce que ça coûte quand même un paquet de cigarettes, coûte pas mal. Et c'était un très bon moment, parce que les patients, ils étaient vraiment investis. Et on a parlé aussi des services que le ministère met en place pour aider à arrêter le tabac, et aussi à Villevrard, la présence de la infirmière addictologue et l'ELSA, la journée sans tabac, etc. le messager et la liste qui peut aider aussi au cas où quelqu'un a envie d'arrêter de fumer. Et le but, c'est de quand même sensibiliser tout ce monde possible. Donc, on a fait ça avec des patients. Mais l'affiche sera exposée pour permettre aux usagers de l'établissement de prendre connaissance de toutes les informations qu'on a mises sur cette affiche. On entend là. Moi, je parlais. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui croient qu'après 45 ans, c'est difficile d'arrêter la cigarette. Mais ça, c'est un mensonge, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, du jour au lendemain, j'en ai vu plein, hein, du jour au lendemain, avec le temps, ils comprennent des choses sur les manières de penser et ils arrêtent de fumer la clope, quoi. J'en ai vu plein, hein, comme ça, quoi. Et en fait, quand on regarde à la télé, ils aiment bien dire oui, après un certain âge, c'est très difficile d'arrêter et tout. Et en fait, non, quoi. Il y a beaucoup qui arrêtent, mais à la télé, c'est manipulé. Ils disent que oui, non, ils n'arrivent pas. Je pense que la plupart, ils arrivent pas, je pense, à arrêter. Mais il y en a qui arrivent, en fait, quoi. Parce que ça dépend de la dépendance de la personne. Bah, moi, j'étais très dépendant. Il fallait que, quand j'avais pas de cigarette, je sortais en pleine nuit dehors pour essayer de demander des cigarettes aux gens. J'étais très dépendant à la cigarette. Hein. Du coup, il faut voir si c'est une dépendance physique. Du coup, il y a des substituts nicotiniques. Comme les patchs, les gommes, les inhaleurs. J'ai tout essayé, ça ne marchait pas. Voilà. Hein. Mais il faut être suivi et il faut être motivé. Il faut être motivé et c'est pour ça que nous, on a fait ça pour sensibiliser sur les effets négatifs et sur les effets positifs de l'arrêt de tabac. Du coup, pour mettre vraiment à connaissance les patients et les usagers et même le personnel, parce qu'il y a aussi du personnel quand même qui fume. Sur les effets du tabac sur la santé et sur les moyens pour arrêter. Mais surtout, c'est la motivation et être suivi, parce qu'on a vu que quand on est bien suivi, et c'est pour ça qu'il y a des services comme l'addictologue, comme, il y a aussi un site, il y a aussi un numéro, 3989, qu'on peut appeler pour être aidé dans cette démarche aussi. Mais c'est pour ça que le suivi, en fait, c'est plus efficace. Quand on le fait tout seul, en fait, on n'est pas vraiment... Parce que si on en manque, au bout d'un moment, on va chercher quand même la cigarette. Si on manque de la nicotine, c'est ça le problème, on va chercher. Alors que si le médecin qui prescrit les patchs, qui prescrit le bon dosage pour mieux arrêter, voilà, c'est différent. Bon, moi, j'ai fumé une clope, j'arrive. Hein. Je voulais juste rebondir un peu par rapport à ce qui a été dit. Moi aussi, je suis étudiant. Effectivement, le tabac, c'est un vrai problème de santé publique qui peut avoir des effets nocifs sur la santé. D'où l'importance de faire de la prévention, d'apporter des connaissances, parce que tout le monde ne sait pas exactement. Parce qu'il y a des gens qui ont cette envie, cette volonté d'arrêter, mais qui ne savent pas justement vers qui tourner pour arrêter. Comme elle disait ma collègue, c'est qu'il y a des organismes qui sont là, qui sont capables de vous écouter et de vous accompagner dans cette volonté d'arrêter de fumer. Voilà. Bah, moi, en fait, j'ai réussi parce qu'en fait, moi, j'ai lu des livres de psychologie, de développement personnel, en fait, quoi, pendant longtemps. Et en fait, j'ai compris en fait, qu'il ne fallait pas vouloir des grandes choses. C'est ça, en fait, le truc de la... C'est quand on veut des grandes choses qu'en fait qu'on stresse et qu'on n'est jamais content et qu'on réfléchit pour essayer d'avoir plus toujours quoi. Alors en fait il faut satisfaire de ce qu'on a et en fait tout en voulant un tout petit peu plus, tout en comprenant que ce qu'on veut, ce qu'on voulait de grand, c'est du fantasme et il faut être faut avoir une obsession par rapport à comment arrêter de fumer la cigarette quoi. C'est une vraie obsession chez moi quoi. Et après ça marche quoi. On se pose des questions, on se dit bon c'est quoi le pourcentage de personnes qui arrêtent la cigarette. Comment ils ont fait, est-ce que c'est un palliatif vraiment ou pas, ou est-ce que c'est biologique, est-ce que telle ou telle personne elle vit anxiogène ou pas. Il y a plein de questions, quoi. Comment je vais faire pour arrêter, combien de temps je me donne, est-ce que je suis stressé, anxieux ou angoissé, et après voilà, quoi. Moi, je me dis que pour pouvoir arrêter, c'est selon sa propre volonté, déjà dans un premier temps. Et aussi, il faut faire un travail sur soi aussi. Et voilà, et faire un travail sur soi-même. Ça m'est déjà arrivé d'arrêter de fumer et j'ai pris sur moi-même et je me suis dit que la seule solution, c'était que moi-même. Donc, il faut avoir confiance en soi. Oui, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Ibombo. Mais vous savez, il y a des gens parfois qui ont ce problème de volonté, qui ont besoin de l'aide. Justement, ces gens-là, il y a des addictologues, il y a du personnel soignant qui est là pour les aider, pour les épauler dans cette démarche de sevrage tabagique. Effectivement, je suis d'accord avec vous, hein, la volonté, c'est la base. Mais il y en a qui n'y arrivent pas. Je veux bien vous croire, je veux bien vous croire que ça peut aider. J'ai jamais eu recours, mais vu les ambitions et les directives qui sont fixées, ces dames, je suppose que ça peut bien aider. Ouais. Moi, je savais que il y a plusieurs années, je savais que j'allais arrêter avec le temps, moi. Je savais quoi. Alors après, maintenant, peut-être je reprends, je sais pas, mais faut pas penser à ça, mais c'est possible. Hein. En tout cas, bravo, hein, on vous félicite, on vous encourage. C'est pas fini encore, là. Ces... Oui, je suis passé. Avant, je me levais la nuit pour fumer. Je réveillais ma mère pour fumer la nuit, quoi. Et c'était grave relou, là. Alors maintenant, j'arrive à dormir et. Et donc voilà quoi. Maintenant. Bah c'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie là, Là, je me suis levé à midi et demi, il est 5h, j'ai fumé 2 cigarettes aujourd'hui. Donc hier, j'en ai fumé 4 et demi. Et en fait, le paquet, ça fait 3 jours que je l'ai en fait, le paquet là. Et en fait, peut-être. Après, je pourrais même écrire un livre, mais le livre en fait que j'écrirai, eh ben, y a déjà des gens qui ont déjà écrit un livre comme ça en fait quoi. Donc voilà quoi. Mathieu, peut-être. Vous voulez que je dise quoi ? Bonjour déjà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu, bienvenue à Métanoïa. Là, on est 16h59. Dans 8 minutes, on est en direct sur les ondes d'Epinote. Mathieu, tu fumes toi ou pas ? Tabac, on parle. J'évite de trop fumer. Un peu plus fort là, un peu plus proche du micro pour qu'on puisse entendre. J'évite de trop fumer en fait. Ah oui. Tu gères c'est quoi ? C'est une question de quantité, de concentration. Et de selon la dose. Ouais. En fait. Tu gères, tu te sens pas addict. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça aussi, hein, dans la vie. Ouais. Hein, ce n'est pas être addict aux choses. Si ouais. Tu fumes une cigarette oui, de temps en temps, ça peut de faire. De temps en temps, ça va, mais si trop fumer. Oula, Pedro, ça va, merci. C'est arrivé le village, c'est pas moi, c'est pour Craigis. Merci, Pedro. Bon, bienvenue, Pedro. Mathieu, on t'écoute. On est sur. Voilà, ouais. Merci, Pedro, la mêlée de piles, juste quand ça commence sur Métanoïa, là. Puis sinon, vous parliez quoi ? Je suis des fois. Non, parce que les infirmières sont venues présenter ouais. Un projet sur le tabac et voilà. Donc ils voulaient parler de ça, de la prévention, du traitement, de la. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est pas anodin. Il faut faire très attention. Mais moi, je pense. C'est une question de. Si on veut arrêter, c'est une question de volonté. Il faut. C'est selon le corps humain, en fait. Il faut faire selon l'anatomie du corps humain, si on peut endurer ou pas cette dose-là, en fait, de cigarettes. Ouais. Mais il faut faire attention, il ne faut pas fumer, quoi. Oui, il faut surtout pas addict, je crois. Oui, c'est ça. Il ne faut pas être addict, parce que sinon... Ouais, mais moi, je pense que l'addiction, ça va au-delà. Et, moi, je et même en ce qui concerne la chimiothérapie, c'est tout est question de quantité, de concentration aussi, c'est pareil. Ouais. Quand on fait de la chimiothérapie, en fait. Oui, oui, mais moi, je pense qu'on est aussi addict à la réalité, carrément. Faut pas faire à forte dose, en fait. C'est moi, selon longtemps. Et... Moi, j'ai une thèse à proposer. Moi, je pense qu'on souffre d'être trop addict à la réalité. La névrose, enfin, on est trop réalité, voilà, la banque, le journal, les news, le truc. Vous pensez ça ? Ouais. Vous pensez qu'il faut. Oui, je pense que c'est comme une addiction, ouais. Des fois. Ouais. Donc, il faut tout prendre par des petites doses. Les gens qui sont trop accrochés à la réalité, en général, sont des gens déprimés. Ouais. Après, s'ils sont décrochés totalement de la réalité, on est fou. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Un peu entre les deux, il faut naviguer un peu. Ouais, c'est vrai. Donc il faut un peu de tout. Par rapport à la cigarette, il y a des gens que j'ai jamais vu fumer. Ils achètent 3-4 touches de cigarettes par semaine et ils les fument tous dans leur cuisine. Tous ils fument carbu et on l'a jamais vu fumer une clope. Hein. Même une clope, on l'a jamais vu quoi. Et mélangent avec du vin, avec du rhum et tout. Et en fait, ils ont jamais fumé devant vous, mais après ils meurent d'un cancer après quoi. Après du jour, on dit ah ouais, mais comment ça se fait? Ça tue beaucoup de gens. Hein. Ça donne le cancer. La cigarette, ça tue plus que l'alcool. C'est vraiment parce que je dis. Oui, le tabac, suis... ça, Hein, c'est que vous dites est complètement vrai. Le tabac, ça coûte, ça tue plus que l'alcool. Le tabac tue beaucoup de gens chaque année en France et ça coûte cher beaucoup à la société puisque la première cause finalement du cancer du poumon, c'est le tabac, ça il faut le savoir. Voilà. Non mais tu peux refaire une hein, parce que là on est en direct sur, le, sur les zones de fumée. Juste un truc, c'est que juste on ne tape pas sa femme par exemple parce qu'on a fumé une cigarette de trop. Or on peut taper sa femme parce qu'on a bu un verre de trop, donc... Non, mais juste, on peut pas comparer les drogues. C'est pas, si on commence à comparer les drogues, c'est... Chaque drogue a son problème. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, faut pas taper. Quoi qu'il arrive. Fofanata, tu voulais dire quelque chose aujourd'hui? Il a un micro, là. Il a le micro, le cas. Vas-y, Fofanata, on écoute ta douce voix. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je viens d'ici. Tu veux dire quoi? Rien. Tu veux jouer un peu? Hein? Tu peux nous jouer un solo de xylophone? Oui. Tiens, on va te mettre le micro à côté. Et on va écouter Fofana, xylophone. Et puis voilà, il y a tous les chroniqueurs qui arrivent. Voilà, super. Ouais, on est sur Radio Metanoia, sur Pinot. Puis voilà, on a Mathieu, tu veux dire quelque chose? De quoi tu veux parler aujourd'hui? Non. Oui, bon, tu as un sujet à aborder? Tu veux qu'on... Attention, le micro, il faut le bouger un peu parce qu'il est un peu... Je dessine. Attends, mais tu peux le réparer le micro là? Cette fois, c'est les câbles qui est un peu. Allô, attends. Il y a un problème. Là, c'est bon. Des fois, je dessine, je fais des dessins. Tu dessines quoi? Un peu tout, de la bande dessinée. Ouais. Ouais. Des histoires, de la fiction, documentaire, c'est quoi? Non, je fais par exemple. Titi et Gros Minet à Titi. Ouais. J'étais dessiné. Un Marvel, j'ai dessiné. Ouais. C'est Marvel. Captain America. Enfin voilà, quoi. Tout ce genre de dessin, j'ai fait des beaux dessins. Ouais. Et tu peux les exposer, tu peux nous montrer, ça serait bien. Bien sûr. Bon, là, la radio, c'est difficile de passer les images, mais quand même, on peut parler de ça. Donc chacun fait des choses. Est-ce que jamais reviens alors qu'on réécoute ton morceau de musique que tu avais composé ce matin, c'est possible? Ouais. Parce que là, on est en direct sur la radio. Ah, waouh, magnifique dessin de Mathieu. De taille réelle, Bugs Bunny, Captain America, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Panda, c'est, ça. C'est super. Et tu c'est les fais un peu, ouais. Un peu vague, mais... Ça va. C'est très très beau et c'est merci, le ouais, c'est panda, gentil. C'est super intéressant là. C'est grand format et tu le fais chez toi? Tu le fais comment? Je l'ai fait au CAC, enfin à côté. Ici? À Bondy. Ah voilà, bon? À côté. Ah, au 7TB? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, au 7TB. Et là, on fait la radio schizophonie hein, tous les lundis. Hein. D'ailleurs, on a un nouveau numéro sur les patients. Et bon, en tout cas, c'est un plaisir de te voir ici, Mathieu. Et là, on va réécouter un morceau qui est Alors. Qui est une artiste chanteuse, on est très content d'une nouvelle intégrante de la radio, qui va nous montrer ce qu'elle a composé ce matin. Tu vas la présenter toi-même. Alors. Oui, alors, donc, c'est une musique de Starmania qui s'appelle La complainte de la serveuse automate, qui justement décrit plutôt le. La réalité dans laquelle on peut vite s'enfermer, métro, boulot, dodo. Et donc, c'est une femme qui est dans cette réalité-là, qui a envie de s'en évader, et en tout cas qui rêve d'aller cultiver ses tomates au soleil.

Bonjour. Bonjour. Enfin, rebonjour. Je voulais savoir quelle était la reprise de la chanson actuelle qu'on vient d'écouter. Donc, c'est la comédie musicale Starmania, qui a été écrite par Michel Berger, oui, il y a 35 ans à peu près, maintenant. Et qui a été reprise oui. par. Alors, en fait, non, mais c'est une, l'éditrice alors, actuelle, c'est. C'est Fabienne. Comment elle s'appelle déjà Fabienne Thibault, voilà, merci. La première chanteuse. Et vous-même, vous êtes Moi, je suis Anne-Laure Civil, mais moi, je ne fais pas partie des chanteuses officielles de Starmania. Parce que donc. Alors là, il y a une version qui, en plus, qui normalement doit tourner. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Mais sinon, la dernière version de Starmania, j'avais 10 ans. Donc c'était il y a 30 ans. Et je ne pourrais même pas redonner le nom des interprètes. Là, par contre, cette chanson que je viens d'interpréter, ça s'appelle La complainte de la serveuse automate. Vous en êtes fan? Et je suis fan de toute la comédie musicale depuis que je suis toute petite. Exactement. Et cette chanson-là, elle est à la fois très triste et pleine d'espoir. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est malheureux de sa condition. Donc okay. Après, son soleil et ce qu'elle va imaginer, c'est pour s'évader de ce qu'elle vit. Bon, j'ai pris le micro et j'ai pris la parole parce que votre interprétation m'a plu. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire au final. Moi, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et du courage surtout. Non, merci, tu me reverras. Ok. Ça lui ressemblerait, mais. Balavoine, c'est sûr. Oui, parce que c'est lui qui chantait avec la voix très aiguë. Et vous prenez le micro là parce que sinon on n'entend rien, tant qu'elle crie. Parce que voilà, tu peux le passer le micro, tu par là sinon tous les commentaires se passent par les micros, sinon on n'entend qu'une brise de rein. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous interprétez que des musiques qui ont un message qui vous parle personnellement Alors, qui me parle personnellement ou qu'en tout cas je comprends suffisamment pour pouvoir mettre. La bonne intention. D'accord. Parce qu'il y a des chansons qui sont. La réalité, enfin ce qui est écrit, c'est tellement loin de moi que j'arriverai même pas à retenir les paroles en fait. Ok. Donc oui, il faut un minimum. Faut que vous compreniez ce que faut vous que je sois un minimum dedans, ouais. Faut quand même que je la vive un petit peu. Ok, d'accord. Et j'ai travaillé au plein soleil pendant 2 ans. Quand j'avais 20 ans. Ah oui, ah oui, ça, tout ça se comprend, alors ça va. Bah, c'est très bien. Et alors, il y a plein de métanoïaques qui sont partis, il y a des autres qui sont arrivés. Je voulais dire qu'aujourd'hui, c'est Régis Hérault, hommage, parce qu'il part à la retraite pour quelques mois. Après, il va se rajeunir, parce qu'il y a Vincent qui va le montrer comment on rajeunit en fait en Inde. Voilà, donc, il est où, Vincent ? C'est pas, il est allé fumer, je crois. Il fumait quoi ? Régis, est-ce que tu peux nous dire un mot par rapport à nous, la radio ? Je vais faire une cure de rajeunissement et comme ça, après, je reviens. Mais enfin, voilà, le problème, c'est qu'après, tu reviens en tant qu'interne, ils te sous-payent, etc. Il va encore falloir repartir sur une carrière de 40 ans et la psychiatrie, c'est quand même pas beau en ce moment. Donc, je sais même pas si je reviendrai. Si je suis jeune, je risque de repartir sur une autre vie ailleurs. Peut-être en Inde, je ne sais pas. Bien que quand je vois des infirmiers comme celui qui est à ma gauche, là, il est tellement sympa, on a envie de travailler avec lui. Lui montrer que la psy c'est sympa, que les patients sont sympas. Merci. Et puis qu'après, il peut arriver des drames, hein, comme la dame me disait, mais ça arrive partout. Sauf que nous, on est au courant. Il y en a qui ne sont jamais au courant de leurs limites psychiatriques. Voilà, donc c'est vrai que c'est agréable de faire une petite fête. C'est l'occasion toujours de faire des fêtes parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Et puis surtout en psychothérapie institutionnelle, qu'il y ait les patients avec les soignants, qu'on enlève les blouses blanches. Comme c'est la première fois que je vois un élève infirmier ne pas venir avec la blouse blanche. Et je vous remercie parce que c'est vrai que tout de suite ça met une limite. Et comme ça, en fait, on ne sait pas qui est le soignant. Oui, oui. Et vous savez, il y a du mal. On s'est battu pendant 30 ans, 40 ans. Et c'est sans arrêt. Il faut sans arrêt se battre pour. Essayer de faire comprendre que tout le monde, à un moment dans sa vie, peut avoir des moments difficiles, qu'après, il y a des gens qui ont des pathologies, qu'après, il faut prendre un traitement. Hein, quand on a de l'hypertension, ben, on ne veut pas. Hein. Donc on se dit j'ai l'hypertension parce que je suis au travail. Moi, par exemple, j'ai de l'hypertension. Je vais arrêter mon traitement dès que je suis à la retraite pour voir si ce n'est pas le travail ou ma voisine de gauche qui me stresse. Non, elle ne me stresse pas du tout. Si les patients stressés, c'est plutôt les soignants qui stressent. Mais voilà, parce que au moins, les patients, ils parlent. Et ils s'expriment quand ils disent un truc. Il y a pas, hop, on dit un truc, on lance un scud et après on discute. Et après, ça nous fait des souvenirs. Mais voilà. Bon, ben merci Martin. Et puis, c'est une bonne idée de Isabelle proposée, donc Isabelle Capestan, la secrétaire du CAC et de la radio, du coup, maintenant, qui tient les comptes. Et c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et comme il y a trop de monde, on est entassé toujours dans la petite pièce à côté du club. Et c'est vrai que ça peut être. J'en profite qu'il y ait le docteur Pedro Serra, chef de pôle, pour lui dire qu'ici, c'est une belle salle. En plus, souvent, quand on est tous entassés derrière là-bas, ça monte. Et puis, des fois, il y a quand même des patients qui sont bien chauds, en épisode un peu psychotique parfois. Et c'est dur de contenir, des fois, dans une toute petite cocotte minute. Tandis que là, ça peut partir. Il peut y avoir un scud, hop, ça passe par la fenêtre. Il y a une grande terrasse et il y a un va-et-vient. Ça circule un peu. Il y a plus de place, hein, Isabelle. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a la réunion du service qui a lieu jusqu'à 16h. Et vous, la radio, c'est 16h, 18h. En général, c'est 15, on commence à 15, mais on peut commencer à 16. Hein, voilà. Bon, on peut se préparer en même temps, c'est sympa pour l'intra de monter ici, faire la réunion. Parce que quand j'étais en bas, des fois, il y avait un problème aussi. Les infirmiers voulaient rester en bas pour faire la réunion en bas parce que c'était proche du service. Mais en même temps, sortir du service... qui est quand même c'est sympa, mais des fois il faut s'échapper quoi, et le fait de monter ici c'est un peu une ouverture, donc il faut trouver un juste équilibre entre des choses quoi, parce que là la synthèse a été annulée en fait pour permettre de faire la radio pique-nique. D'ailleurs je vais prendre une part de gâteau que Pedro a ramené, on l'a rappelé à l'ordre hein, pour les piles. Il prépare sa chronique Ami de Bétard qui s'en va, je vais aller lui dire. La chronique gastrosophie, Pedro, après que je repasse le micro à la chanteuse. Voilà, alors. Ah bah, pétu la cac. Ouais, alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je gazouille. J'étais pas prête. La prochaine fois, j'ai prévu de parler des reprises, et, puisque c'est visiblement un thème qui défoule les chaînes et les passions. Ouais. Donc, il y a le système des samples. Il y a le système des hommages dans les chansons. Il y a plein de choses à explorer et j'ai plein de choses à vous raconter. Bah oui, on a hâte d'écouter tout ça. Hein. Donc voilà, donc j'ai prévu de vous parler de tout ça en tout cas, pas que de chanter. Bon, donc on va mettre une petite musique pour faire revenir sur Metanoia. Et dans quelques minutes, on est sur Pinot et voilà, un peu de. An experimental fusion of hip hop and live jazz. I'm your host, the Guru. That stands for Gifted Unlimited Rhymes Universal. Now, I've always thought of doing something like this, but I didn't want to do it unless it was going to be done right, know what I'm saying? Because hip-hop, rap music, it's real. It's musical, cultural expression based on reality. And at the same time, jazz is real and based on reality. So I want to let you know that it was indeed a blessing and of course a pleasure to work on such a project with so many amazing people. For instance, I got Donald Byrd, Roy Ayers, Lonnie Liston-Smith, Branford Marcellus, Ronnie Jordan, India Davenport, Courtney Pine, and MC Solar, all in the house. Another level. And that what you're doing is that, yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging. Oh, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, la connexion Internet, est-ce qu'on est encore sur... Is that what you're doing? Is that something? Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Burns. Taking the music. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging, lounging, lounging. Oh, oh, oh, oh, oh, problème de réseau. Sur Metanoia, c'est d'habitude, on a souvent ce type de problème ici. Hein. Mais bon, ça va venir. À un moment donné, on n'aura plus de problème. C'est parce qu'on est guéri, on n'a plus soin des radios, on n'a plus soin de rien du tout. Mais là, on va revenir sur le sujet de d'aujourd'hui. Tout le monde parti là, c'est bien cette salle, mais tout le monde s'en va. Pedro, est-ce que tu veux nous parler un peu? Viens prendre le micro, la chronique gastrosophique. De Pedro Serra, musicien, psychiatre, chef de service, plein de trucs. Oui, voilà, vas-y, tu peux y aller. Bon, aujourd'hui, on a eu des travaux pratiques de gastrosophie parce que c'est la nourriture conviviale pour fêter, pour célébrer, pour commémorer le faux départ d'un cher collègue. Donc, on fait référence à la Normandie, avec ses bons fromages, avec sa tarte normande, avec ses graines, avec la papaye qui vient du Brésil. Donc, je pense qu'on a réuni... Il y a une cuisine africaine aussi, très très bonne. Je pense que c'est ça aussi la gastrosophie, c'est que par la nourriture, on se rassemble. Et en se rassemblant, on pense mieux, on se ressemble un peu, parce qu'on... On vit en paix, on se parle, on écoute de la bonne musique. Vous avez une très belle voix, hein. Franchement, je ne vous connaissais pas. Vous chantez bien. Et je crois que c'est aussi ça la gastrosophie, c'est que la nourriture devienne un objet de joie. Ça devient un objet de soins du corps, de soucis de soi. Donc quand on mange avec les amis, on se fait du bien. Surtout quand c'est des bonnes choses comme là. Bon, il y a un petit bonbon aussi, plein de sucre. Le bonbon plein de sucre, c'est aussi bon parce que ça rend heureux. Donc, joyeux départ à mon cher, Régis Hérault. Et bon retour dans quelques mois, si tu veux bien. Merci. Merci, Pedro. Je veux dire aussi que Pedro Serra, il est en concert. Il est en concert ce vendredi 26 mai. C'est l'adresse, tu la connais. C'est au théâtre, comment il s'appelle, Clandestino. C'est à 20h, hein, c'est ça hein. Attends, on va lire tout... Concert Pedro Serra avec César aux percussions et Martin Maillon guitare le 26 mai 2023 à partir de 20h30 au théâtre Clandestino, 18 rue des Envierges, dans les 20e à Paris, Maître Jourdain. Venez nombreux, ça va être la teuf. On va danser, on va chanter. Voilà. C'est une manière de vivre, d'être dans la joie. C'est un truc très important. La santé, c'est la joie, comme dit certains gens. C'est pas la tristesse. Ça va de passer d'être un peu... Enfin, il y a Spinoza, le philosophe, qui parlait de ça, en fait. Il y a des affects de la joie et des affects de la tristesse. Et comment on devait sortir de la tristesse pour pouvoir aller à la joie. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous appeler... Dans la Bible, c'est dit que l'essentiel du mal n'est pas ce qui rentre par la bouche, c'est ce qui sort de la bouche. Il faut dire ça à tous les politiciens là, qui sont en train de dire n'importe quoi et faire n'importe quoi et tout ça. Donc on reprend sur Metanoia. Est-ce que tout le monde est un peu dispersé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ils sont tous partis. Je me trouve tout seul avec... Alors, et voilà, alors, est-ce qu'on va faire de la musique? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? We'll be right back. En fait, parce qu'on ne veut pas être addict à la réalité. Que ça le... Finalement, la réalité, ça nous rend dépressifs. Voilà, des fois, un tout petit peu de réalité, pas tout le temps. Sinon, on devient malade, voilà. Donc là, Anne-Laure va nous mettre un peu de musique. Parce qu'on vient de découvrir un autre artiste ici, là. Ah oui, Anne-Laure qui chante, là. Oui, alors, en image, ça donne une interprétation un petit peu folle. On va le dire après, Vous corrigez votre attitude, il en était bien temps. C'est un élément déterminant, mais non, mais non. Mais non. Bon, c'est A, ouais, vous savez, oh. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point m'échelle. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité mais vaut fuir. La spontanéité reste mon propre point de mire. Vire, pire, ce dont la langue n'a d'autre activité que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, c'est la même, je vais... Simple funky, simple funky, l'esprit funky, ça. Simple funky, l'esprit funky, ça. Simple funky, ça. Simple funky, ça. Chut, de bien haut, en comprenant que sur nous circulent des propos compromettants. Compromettant à partir du moment où, personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands, grands. Pour ces gens, le mot est glorifiant. Chiant, ils le sont la plupart du temps. Intelligents, ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire l'arigot. Go hey hey, go hey hey, go oh oh, go zéro. Tous ces gigolos, zigotos, rigolos, on a mot zéro. Ne mérite aucune estime, ils ne méritent que la vie poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau? Doublons la dose, c'est chaud. Le cerveau s'imbibe de stéréo. Les cordes vocales des livres, il faut des mots. Les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Simple, funky, simple, funky. Simple, funky, l'esprit, funky, ça. J'ai gardé la musique d'origine pour les chœurs. La peta est là, l'original s'adresse aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de Maze, aux adeptes de Pouba, et ceux pour qui les réfois ont un profil de combat, se rendent en soirée en oubliant l'objectif premier. C'est avant tout le respect pour les danseurs en effet, car il faut que la fête reste dans les têtes. Et me voilà, dans un état plus que serein, une fois n'est pas coutume à moi de corriger le malin tous les matins au champ du soin. Mouton va de soi, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour ça, muchas, gracias, merci et trace. L'homme conduit la tête dans le cul et l'esprit de mauvais cru. Où est l'utilité de prêter attention à de tels individus? Vous le savez, oh, vous l'avez su, vous le savez, oh, vous l'avez su de tout et de tirer profit de telle expérience. Et par chance de ne plus côtoyer à nouveau le fruit d'une telle semence, c'est la raison pour laquelle nous sommes tellement funky. Ça, on funk. Simple funky, simple funky, simple funky, simple funky, simple funky, simple funky. Oui, c'est moi. Oui, en fait, c'est une vidéo, pour ceux qui n'ont pas les images, c'est une vidéo dans laquelle j'intègre, dans laquelle je joue complètement le rôle. Mais non, c'est bon. On est de retour sur Metanoia, sur Pinot, on a eu une petite chute de pile, mais on est là. On s'est tous évanouis pendant 10 secondes, on est retour. Alors, tu expliquais ta musique alors, oui, donc là, on était sur Alliance Ethnique, simple et funky. Effectivement, c'est un vieux son, mais en fait, que l'artiste a lui-même repris, samplé. En fait, il a fait au moins 10 versions de sa musique. Hein. Donc là, c'est une des versions, mais je pourrais même plus la replacer chronologiquement. Et Ah bah c'est Alliance Ethnique qui l'interprète, c'est le groupe Alliance Ethnique, oui. Mais oui, la première version, toi t'étais en colonie de vacances et moi j'avais 9 ans. Donc je rentre complètement dans le rôle du simple et funky, puisque c'est ça son message dans cette musique, c'est qu'il faut... C'est du hip-hop sur de la funk, exactement. Le thème c'est du hip-hop sur de la funk. Oui, voilà. Et puis, attends, il y a Julien. Bonjour Julien, tu veux nous dire un truc ? Vas-y, tu peux parler au micro, hein, tu es ouvert. Bonjour, Amina. Je voulais présenter tous mes voeux de bon parcours au docteur Héro, ici présent, qui va tout de suite prendre la parole et nous dire quelques mots, et un bon parcours professionnel pour... Je passe la main, la passation de main n'a pas lieu ici. C'est bon, je parle. À vous. Un extrait des Nourritures Terrestres de Gide, peut-être, comme ça nous remet dans l'ambiance. Mais je ne vais pas le rapper, hein, parce que j'ai peur de le rater en le rappant. Mais on pourrait le rapper, parce que ça peut être pas mal. Hein. Du Gide rappé, c'est un peu comme le gruyère sans les trous. Hein. Si Gide. Je si. Mange les trous et je vous laisse les miettes. Ouais, et moi je fais la petite rapper, souris. Rapper, hein, en rap. Y a Allez. Pas des rappeurs là, un petit peu des Ah, mais y en a plein de rappeurs. Ah, c'est super. Y a plein de grenouilles Bienvenue. Rappeurs. Bienvenue. Alors moi, je vais pas rapper mon esprit, vous savez, vous êtes extraordinairement exaltés durant vos fabuleuses promenades, n'est-ce pas ? Oh mon cœur, je vous ai largement abreuvé. Ma chair, je vous ai saoulé d'amour. C'est en vain que maintenant reposez. Je tâche de compter ma fortune, je n'en ai point. Je cherche parfois dans le passé quelques groupes de souvenirs pour m'en former enfin une histoire. Et je m'y méconnaissais et ma vie en déborde. Il me semble ne vivre aussitôt que dans un tout neuf instant. Ce que l'on appelle se recueillir m'est une contrainte impossible. Je ne comprends plus le mot solitude. Être seul en moi, c'est n'être plus personne. Je suis peuplé. D'ailleurs, je ne suis pas chez moi. Je suis chez moi que partout. Et toujours le désir m'en chasse. Le plus beau souvenir ne m'apparaît que comme une épave du bonheur. La moindre goutte d'eau, fût-ce une larme, dès qu'elle mouille ma main, me devient plus qu'une précieuse réalité. En solitaire, je m'en vais, je vous quitte sur ce. Docteur Héro, bonne chance et bonne continuité. Merci beaucoup. Et puis vous aussi. Je songe à vous, Ménalque. Page 171, les Nourritures Terrestres de Gide. Amina, j'étais content que vous êtes là. Très bien, Amina, c'était au début des Radio Métanoïa. Notre voix préférée, ça sert bien que vous venez plus souvent. On a notre cahier aussi, parce qu'avec Amina, on a vraiment développé les concepts Métanoïa. On voulait faire des jardins avec des hallucinations. C'est à vous. C'est à nous. Donc Amina, je suis content que vous soyez parmi nous. J'espère vous revoir tous les mercredis, hein, vous savez, hein, on est là. Hein. Avec le sourire. Avec le sourire, avec la Métanoïa, avec tous les ingrédients. et les alias pour transformer la vie. Ouais. Mais venez rester un peu parmi nous, là. Ok. À toutes. À tout à l'heure. Et avant, on écoutait la voix de Julien, qui fait. Julien fait de bruitage sonore. Julien, tu peux nous faire un autre de tes poèmes sonores comme ça, s'il te plaît ? Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Julien. C'est beaucoup, à Julien. Toute cette espèce de souffle divin qui l'amène, en fait, le pneuma qui invente tout type de proto-verbal, expression de l'être humain. C'est ça, Julien, hein ? C'est ça, hein, ou pas ? Qu'est-ce que tu voulais me dire, non ? Tu voulais ça ? Avant l'existence, avant l'être, il y a... Tiens, on le fait tous les deux ? Tu prends un micro et on dialogue ? Comme ça ? Tu veux ? Ou pas ? Bah, prends un micro. On fait tous les deux. Tiens, aide-moi parce que je suis tout seul sinon. Vas-y. Bonjour. Bon, je me représente, je m'appelle Fosso Gauthier Bombo. J'ai pris la parole parce qu'il y a exactement 2 semaines de cela, je me suis présenté à la station de radio. Et je ne la connaissais pas, j'étais venu par rapport à plusieurs contraintes. Aujourd'hui, toutes ces contraintes ont été levées. Et j'ai pris le bus, j'ai repris les transports en commun, j'ai retourné à la vie sociale de tous les jours. Et je tenais à m'exprimer car les sensations ne sont pas les mêmes. Donc enchanté à vous tous aujourd'hui d'être là autour de la table et je vous souhaite tous du bonheur et que de la continuation. Bon, merci beaucoup, bienvenue. Merci. Hein. Voilà, tu veux dire super. Que tu te sens plus libre quand tu parles de sensations qui sont pas pareilles ? Bah, en fait, être interné et suivre l'émission ou bien participer à l'émission et par exemple comme aujourd'hui j'ai dû prendre les transports en commun pour y arriver, bah, je trouve qu'il y a une grosse différence quand même. Mais c'est mieux ou c'est comment ? C'est nettement mieux, c'est la vie sociale, c'est rencontrer du monde, c'est parler, c'est échanger, c'est... Ce sont des choses vitales pour moi, ça. On est d'accord. Eh oui, vas-y. Alors, moi, j'ai tenu à féliciter M. Ibombo de cette nouvelle étape, effectivement, qui était hospitalisé depuis 2 semaines chez nous et qui, depuis hier, est sorti de l'hôpital parce qu'il y a du mieux, parce que M. Ibombo a respecté aussi les règles. Il a pris son traitement. Comme quoi, finalement, cette hospitalisation n'est qu'une phase transitoire, c'est que de l'éphémère. Avec du travail, on finit par s'en sortir. En tout cas, bravo, M. Ibombo. Je vous souhaite une bonne continuation. Ok. C'est... Oui, allez-y. C'est gentil de votre part, car j'ai un suivi, ce qui permet de maintenir le cap et pouvoir s'en sortir tous ensemble, tous solidaires. C'est très bien. Ben, je reviens justement par rapport à ce traitement-là. Effectivement, c'est une sortie de l'hospitalisation, on va dire, dure. Mais après cette hospitalisation, il y a une suite, il y a le CMP, il y a un suivi. Vous avez un traitement au long cours. Est important d'observer finalement ce traitement-là. C'est ça. Et d'écouter les professionnels de santé qui sont là justement pour vous et qui sont là pour vous guider. Très important. J'en suis à l'écoute. Super. Mmh. bravo, bravo, merci. Merci, merci, merci, merci, merci, merci. On est sur Métanoïa et là, tous les métanoïaques, c'est pas où ils sont partis. On était plusieurs, là, il reste très peu ici, mais bon, on va revenir sur le sujet qui nous tient à cœur. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on parlait tout au début ? On parlait des choses hyper profondes. J'ai tout oublié, là, Alzheimer. Est-ce que vous voulez passer un message à l'humanité ? Ah, je souhaite passer un message à l'humanité. Bah, je vous souhaite que du courage, force à vous. Ne pas renier ses ambitions, ses directives. Et bonne continuation, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et d'être à l'écoute aussi, surtout, parce que être à l'écoute peut nous aider pas mal dans notre vie. Merci. Oui, et ben, sans surprise, je vous souhaite plein de musique de toutes sortes. On n'en a jamais trop. Et beaucoup d'amour. Et voilà, mais s'il y a bien une façon de vibrer l'amour, justement, c'est en musique. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une très belle écoute. À la semaine prochaine. Oui, on est encore là. Hein, on va partir. Hein, attention. Hein. Et encore en Métanoïa. Camille, à pétition d'un l'or, Camille, la ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais Thank you. la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal à où t'as peur, tu n'as pas mal à où je chante. Fofanata. Oui. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux nous transmettre à la radio? Oui, je suis quitté chez tonton pour venir ici. Il y a les contrôleurs qui m'ont attrapé aujourd'hui. Non. J'ai pas donné les vrais noms. Aujourd'hui, j'ai pas donné les vrais noms, non. Ah oui, tu as raison. Ils m'ont demandé l'adresse. Moi, j'ai dit, je connais pas l'adresse. Ouais. J'ai pas donné. Tu n'as pas de ticket? Il faut qu'on te donne des tickets pour venir à la radio. Non. Ils m'ont donné une adresse. Ils ont dit là-bas qu'ils peuvent faire des navigos. Moi, je suis allée. Ils ont dit que c'est pour les vieilles. C'est pour les vieilles, les navigos. Oui. Tu as raison. Ils peuvent faire pour les vieilles. Non, pas pour moi. Ouais. Moi, je n'ai pas fait d'abord. Oui, mais on va essayer de trouver la manière que tu puisses payer ton billet pour venir à la radio. Hein. Oui, c'est ça. Ça va te mettre en problème comme ça. Hein. Alors, oui. Mesdames, vous prenez le micro, parlez un peu. Mathieu, Julien, tu peux leur passer le micro là. Là-bas. Ouais. Mathieu, tu veux parler? Enfin, Julien, Mathieu, si tu voulais parler. Allez-y, bienvenue, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de roi des registres. Mais attendez, il faut. Il y a la girafe là qui bloque tout. Attends. La girafe, Sophie, la girafe qui bloque tout. Voilà. Bah, allez-y, on vous écoute. Aujourd'hui. Oh, parlez quelque chose, on a encore 10 Bonjour minutes. Bonjour à tous, voilà. Je suis Denise. Et voilà, je souhaite un bon parcours à Dr Hiro, notre cher médecin, avec un tempérament bien trempé. Voilà. Voilà, il a un fort caractère, mais c'est un bon psychiatre, voilà. Et il est beau en plus avec ses belles lunettes. Son manteau, ses belles lunettes. Il est joueur, rigolo. Ouais, et en plus, il a décoré tout le service avec beaucoup de tableaux. Ben oui. On a rendu beau. Hein, j'avais fait un petit mot sur le CAC en disant que malgré vos fleurs, malgré nos tableaux, l'intra, c'est quand même l'intra. C'est toujours dur. Heureusement qu'il y a la bonne humeur des soignants, il y a leur gentillesse. Mais malgré ça, on n'y arrive pas. C'est dur. Hein, parce que quand on est mal, on est mal. Heureusement, il y a des patients qui ne sont pas trop malades des fois qui nous aident, quoi, parce que c'est dur, hein, malgré les fleurs et les tableaux. Voilà, mais merci beaucoup, docteur Hiro. Ben merci, Denise. Oui, ça, tu vas nous manquer, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi, là, Je vais revenir au CATTP, attends. Oui, il faut que tu reviennes. Je vais revenir au CATTP. Tu fais une retraite. Au CAC, jour par semaine. Une retraite quelques mois, et voilà. Et puis, voilà, je m'ennuie après. Et puis, tu t'ennuies. Et puis surtout, je vais manquer d'argent. Tu reviens. Ouais. C'est quand même le nerf du bœuf. Hein. Ouais, non, mais je revenais. Et je vous avais mon téléphone, Madame Sangaré, vous m'appelez. Voilà. Ouais, et puis là, ouais, vas-y. Bah, en tout cas, déjà, félicitations d'être arrivé à la retraite. J'ai dit déjà félicitations d'être arrivé à la retraite. Oui, pas mort encore. Et être en bonne santé. Et puis, on vous félicite. On vous souhaite bon vent pour cette nouvelle vie. Ouais. Même si vous devez revenir, au moins officiellement, vous êtes à la retraite. Et puis on vous souhaite une bonne retraite. Ouais. Ben moi, je vous conseille pas, moi, d'acheter de l'immobilier. Moi, je vous souhaite une bonne. Moi, je suis locataire, je sais pas comment je vais payer mon loyer. Je vous souhaite une bonne retraite à vous aussi. Merci pour les conseils. Merci pour le coup de l'ail. Merci pour tous ces produits du terroir qui étaient très bons. Ouais. Et puis là, on va mettre un peu notre ami Fiol qui a fait longtemps qu'il ne vient pas à la radio. Fort to Smoke. C'est mon morceau unisexe si ça passe, mais je vois pas que ça passe. Ça passe, ça passe. Fort to Smoke. 17h57 sur Radio Métanoïa. On est sur Pinot. On mange trop là parce que c'est la fête, donc on parle pas assez. On est un peu sec des paroles aujourd'hui, mais c'est pas grave. On continue à écouter un peu Forte Smoke. Et puis on a les nouveaux locaux à côté de la radio. Et est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un conseil à l'humanité? Ou un mot? Tout le monde boit, tout le monde mange, personne parle. Voilà, bon, écoute, vas-y, Tessa. Si je devais donner un conseil, ça serait de croire en soi, de toujours avoir confiance en soi et de se donner les moyens de réussir. Voilà. Ouais, alors, Métanoïac, alors, tu vois un conseil à l'humanité qui en a besoin, là, de Métanoïac? Oui, mais merci, c'est vrai, t'as raison. Bah, je me répète ce que dit la jeune fille tous les matins en chantant justement. Donc le conseil, ça serait de simplifier peut-être. Hein. J'étais sur simple et funky tout à l'heure. Mm-hmm. Simplifier, c'est bien parce que ça permet d'être plus authentique avec les autres, d'écouter simplement ce que les autres ont à nous dire. Bah, sans les juger. Exactement. Et puis d'être capable aussi d'être franc et honnête avec les personnes de son entourage, c'est important aussi. Et ça dans la simplicité, parce que sinon c'est compliqué, mais donc avec le plus de d'amour et de bienveillance possible. Voilà, c'est tout ce que ouais. Je vous souhaite. merci alors, bravo. Et puis on va finir avec un morceau d'un autre Métanoïa qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est Julien Carado avec son morceau Met You. Attends, c'est pas ça, c'est Fort to Smoke. On va laisser Fort to Smoke et on va sur. Oui, c'est grande et voilà. Julien, on pense à toi. Même si tu es là parmi nous, on pense à toi et on va mettre ton morceau pour te dire au revoir. À la semaine prochaine, Métanoïa. And if one day you don't understand, just call me. I never feel lonely since I met you, since I love you. I never felt pretty. Bonjour, je suis Isabelle, la secrétaire. J'ai une petite pensée à ceux qui ne sont pas là. Je vais donner leur prénom. Je pense à Jason, Loïc, Quentin, Ernesto. Voilà, j'en oublie certainement, mais ces quatre personnes-là sont... Vincent, il est passé tout à l'heure. Ah, il est passé. Oui. Et j'en oublie certainement, mais j'ai une grosse pensée pour ces quatre personnes qui ne sont pas là. Voilà. À la semaine prochaine, Métanoïac.